Animal Graphics. Sec. Quand je suis pas là, c'est calme. Mais dès que je pop, tout explose. T'as cherché un vrai stream, t'es tombé pile. Pas de décor fake ici, juste moi, Raider Skill. Un écran, une voix, un chat qui cogne sans loi. Quand je parle, tu replates ton débat. Quand je pose ma voix, tout le monde est là. Le setup vibre, les viewers chauffent, c'est pas du Twitch, c'est une claque neuve, on te vend rien, on t'embarque sec. T'as cliqué, t'es dans le Rex. Turn the lights up, feel the hit. Riders kill, don't fake the shit. Louder, harder, stream on fire. Screens alive, it climbs higher. No filter, no plan, no lie. Just truth with the bass that bite. J'ai un public qui tape dans les bars comme des classiques. Chaque follow c'est un pacte, chaque stream une tactique d'impact. Je vais pas te parler gentiment, je vais te parler comme on parle franchement. Rider skill c'est brut, c'est net. Et si t'aimes pas, bah change de son. Turn the lights up, feel the hit. Rider skill, don't fake the shit. Louder, harder, stream on fire. Screens alive, it climbs higher. No filters, no plan, no lie. Just truth with a bass that bite. Tu crois que t'as vu du live? Tu crois que t'as vibré? Alors reste encore un peu. Et regarde ton cœur taper. Le stream, mais t'as pas quitté la vibe parce que Rider Skill ça s'oublie pas.